Ouais, moi c'était sur la question du comité de mob, du coup. Je pense qu'il ne faut pas se braquer sur l'idée d'un comité de mob, il doit y avoir une personne de chaque promo, etc. etc. Je pense qu'on peut partir sur un double système, en fait. Le comité de mob avec des gens, peu importe leur promo, qui sont entre guillemets formés, etc., ou qui sont prêts à s'investir, qui peuvent assurer la logistique, parce que de toute façon, le comité de mob n'a pas pour but de représenter la mob, il a pour but de vraiment organiser la logistique, organiser la prochaine AG, organiser la deep de track, blablabla. Et par contre, en parallèle, on peut faire un réseau justement d'une personne par promo. Donc là, on ne se limite pas, c'est chaque promo où il y a quelqu'un ici, une personne par promo à qui le comité de mob envoie les infos pour que cette personne les fasse circuler dans sa promo. Et inversement, c'est aussi une personne qui peut faire remonter les infos de « Ah, bah dans ma promo, il se passe ça » au comité de mob ou à la prochaine AG. Donc, je pense un double système comme ça avec le côté logistique par le comité de mob et le côté représentatif par du coup, ce qu'on peut appeler des comités de base, je sais pas, j'ai aucune idée du nom qu'on donne à ce truc. Mais voilà, c'est plus ça que je propose.